C'était en fin de semaine les qualifications de patinage de vitesse sur courte piste et c'était à Montréal. C'était un festival Marianne Saint-Gelais encore une fois. Et question davantage de parler de Marianne, parler de Cassandra Bradette. Il y avait également Maude Tremblay qui était là aussi, Léonie Bradette de Saint-Félicien. Bref, plusieurs. On parle avec notre collaborateur de patinage de vitesse, un de nos collaborateurs, parce qu'on est rendu deux collaborateurs en fin d'après-midi. On parle avec David Simard, mais là on parle avec François-Olivier Robert. Salut François! Allô, allô. François, en fin de semaine, d'abord, est-ce que ces qualifications-là sont courues par bien du monde? Et aussi, c'est un peu difficile. On aimerait ça que c'était à Ouais. Maurice-Richard. Maurice-Richard, c'est un super bel amphithéâtre pour le patinage de vitesse courte piste, mais c'est relativement grand. Puis, il y avait quand même un peu de gens, mais ça semble relativement vide quand on regarde les images à la caméra. OK. Mais non, c'est pas la compétition la plus courue. Certains disent que début janvier aussi, c'est un peu difficile d'attirer les gens. Mais il y a beaucoup de familles, là, les familles, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le spectacle, c'est ça qui est un peu décevant parce que le spectacle est super bon. Tu sais, c'est les meilleurs patineurs de vitesse au Canada. Puis au Canada, on a pas mal dans les meilleurs patineurs au monde. Donc c'est un super show. Puis ceux qui étaient présents l'ont pas regretté, là. C'était vraiment une bonne fin de semaine. OK, mais c'était pas cher. Je pense que c'était Ah non. 5 piastres, quelque chose de même. Ouais, c'est 5 piastres par jour, c'est sur 3 jours, 5 piastres par jour ou 10 $ pour la fin de semaine. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste pour dire qu'on charge quelque chose, là, parce que c'est vraiment pas cher, en fait. OK. Donc, Marianne, mais là, Marianne, je vais y parler cette semaine. Elle s'est faite chauffer, pas à peu près par Kim Boutin. Là, puis je l'écoutais cette semaine dans une entrevue qu'elle a donnée à Montréal, à une station de Montréal, au 98.5. Elle disait, je commence à avoir être chauffé pas mal, là. Puis je pense qu'elle l'a vu, elle l'a vu d'ailleurs. Ben, elle l'a vu, mais bon, elle a gagné les deux premières courses. Elle a gagné le 1500, elle a gagné le 500. Puis au 1000, elle s'est faite battre par Kim, puis Ouais. par Kim Boutin. Puis c'était une victoire. Tu sais, des fois, en courte piste, il se passe plein de choses. Il peut y avoir de l'obstruction, il peut y avoir des chutes. Mais là, c'était une victoire en bon français, fair and square. Kim était en avant, puis Marianne n'a pas été capable de passer. Puis franchement, je me gêne pas pour le dire, là, c'est une très bonne nouvelle pour le patinage de vitesse québécois et canadien que Marianne ne gagne pas tout haut la main sans avoir d'obstacle devant elle. Elle se fait chauffer, puis c'est excellent parce que elle a mis depuis plusieurs années, elle met la barre haute, mais pas tout seul, les autres suivent aussi. Puis en fin de semaine, c'est vraiment Kim qui était là. On l'a vu là, au 500 mètres, Marianne était très, très, très forte. Puis Kim était pas loin, puis même chose au 1500. Donc, Kim a été super, Marianne a été géniale, puis c'est bon pour le patin. Puis celle qui était juste en arrière, là, je sais que tu allais m'en parler, c'est Marie-Ève Drolet. Ah, regarde. C'est moi, mais je l'ai dit, puis elle m'épate encore. Continue à m'épater, cette jeune femme-là. Ben là, tu sais, on s'était parlé vendredi, puis j'avais dit, moi, que j'avais hâte de voir jusqu'où, parce que Marie-Ève, malgré qu'elle va bientôt avoir 35 ans, elle Ouais. était revenue après son accouchement, donc elle est en pleine progression, puis j'avais hâte de voir où elle était rendue. Puis c'est ça, elle est rendue, qu'elle a fini troisième au classement cumulatif. Elle vient d'obtenir son laissez-passer pour les championnats du monde, parce que c'était ça en fin de semaine, c'était les championnats canadiens. Qui donnait bon, c'est une sélection pour les championnats du monde puis pour les coupes du monde d'après Noël, donc d'après l'hiver, maintenant là, à l'hiver. Donc Marianne 1, Kim 2, Marie-Ève 3, c'est les trois filles qui sont allées aux championnats du monde. Excusez-moi, je viens d'achoumer. Excusez-moi, c'est la radio en direct, comme qu'on dirait. Hey, mais c'est. Tu sais, normalement, là, je regarde les 35 ans, là, ça commence à avoir un certain âge. Je me rappelle, quand j'ai commencé à suivre le patinage de vitesse, il y avait Tania Vincent, qui avait également Catalina, pas que, elle qui venait de l'Ouest canadien, là. Hein? Catherine Lemédon en longue. Catherine Lamedon, mais c'est une Jessica Hewitt. Bon, Jessica Hewitt, c'était elle qui a fait du patinage de vitesse également. C'était des patineuses qui étaient quand même assez âgées, là. Puis, tu sais, dans le cas de Tania Vincent, elle avait jamais arrêté, là. Puis, mais si je me rappelle bien, Marie-Ève, elle a arrêté 2 ans. Elle a pris sa retraite. Elle a eu un bébé au travers de ça. C'est tout un phénomène, là. Puis, Non, tu sais. Marie-Ouest, Tania Vissant avait effectivement jamais arrêté, était toujours présente. Ouais. c'était une patineuse qui a une super carrière constante, vraiment constante. Tandis que Marie-Ève, elle, était hyper bonne quand elle était super jeune, là, junior. En fait, c'était la meilleure au monde, junior. Puis après ça, elle a décidé de faire d'autres choses, donc des études et tout. Puis ensuite, elle est revenue au patinage de vitesse pour les Jeux de Sochi en 2014. Puis elle les a pas fait, mais elle a eu un enfant. Puis là, elle est revenue. Puis là, elle est dans les meilleurs au pays. Puis elle a eu une médaille en Coupe du Monde cet automne. Donc, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Moi, c'est vraiment, là. Puis j'ai dit en ondes, puis j'ai dit en dehors des ondes, tu m'épates vraiment là, avec tout. Puis, puis j'en ai parlé souvent, son chum n'est pas souvent là également. Tu sais, conjuguer entraînement athlète de haut niveau, avec, c'est pas facile, là. Donc, oui. Dans le journal ce matin, dans la presse, Simon Drouin, journaliste de la presse qui était là en fin de semaine, il lui a jasé. Puis Marie-Ève a dit que quand elle part de la maison, sa fille qui va bientôt avoir 2 ans, Zoé, elle lui dit vite, vite, vite. Ouais. C'est ça, le conjuguer vraiment le maman puis le patinage, là, c'est un super bel exemple, un exemple qu'on n'a pas. Là. C'est un exemple hyper rare. Non, moi ça m'épate vraiment. Si on parlait de Cassandra Bradette, ça signifie quoi Cassandra Bradette? J'ai dit qu'elle n'était pas allée à Sochi. Elle est allée à Sochi, Marie-Ève. Là, je ne sais pas, je me suis mal. Okay. Elle est allée à Sochi, puis là, elle est de retour depuis son accouchement. C'est ça que je voulais. Ouais. Marie, Cassandra Bradette, 7e. Elle doit être quand même assez déçue. En fait, c'est ça, c'est que les trois premières, de la façon que c'est fait, là, les trois premières s'assurent d'aller au championnat du monde. Puis ensuite c'est un choix, c'est deux choix discrétionnaires. Donc Patinage de vitesse Canada va décider pour la quatrième puis la cinquième. Donc là, en étant septième, c'est sûr que Cassandra, le Patinage de vitesse Canada va avoir une décision à prendre. Ben oui, c'est ça. Une fille qui a fini 4-5, c'est Valérie Malte a fini 4, Jamie McDonald 5, Namasté Harris Gauthier 6, Cassandra Bradette 7. Donc oui, je lui ai pas parlé, mais je pense effectivement, en fait, je l'ai vu sa réaction. La dernière course, c'était le 3000 mètres, puis c'est la dernière chance d'aller chercher un peu plus de points. Puis sa réaction était pas contente de cette course. Mais cela dit, elle finit pas 64e. Là. Ben, en fait, il était 32. Elle finit pas 32e. Là. Et quand même, 7e, elle est vraiment pas loin. Puis surtout que c'est super serré le pointage. Là. Il y a Marianne, il y a Kim, puis ensuite, un peu plus loin, il y a Marie-Ève, puis Valérie, que c'est super serré. Ensuite, les trois autres, c'est très serré aussi. Puis c'est du courte-piste, là, tu sais. Septième, c'est pas si loin, mais c'est sûr qu'elle aurait préféré être top 3, puis sinon top 5, c'est sûr, sûr, sûr. Non, mais est-ce que Patinage de vitesse Canada va préférer y aller avec une athlète d'expérience comme Valérie Maltais ou encore Cassandra? Ou une jeune comme elle que tu m'as donné en 5e par 6e place. Ouais. Ouais. Ça peut très bien arriver là, qu'on y aille avec la jeunesse pour question de préparer la relève. Oui, je sais pas. Je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire. Je suis pas très fan de la sélection subjective comme ça, mais ça reste qu'en courte piste, il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer que je comprends qu'il l'est. Mais je suis pas autour de la table pour décider. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais. C'est sûr qu'à l'arrivée des Olympiques comme ça, c'est les sélections, c'est au mois d'août, les sélections olympiques, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend justement des plus jeunes qu'on essaie de donner de l'expérience au cas qu'ils se classent pour les Olympiques? Ou on prend des patineuses qui ont plus d'expérience en se disant on va prendre nos valeurs un peu plus sûres pour bâtir dans cette année pré-olympique? C'est une bonne question. Mais souvent, tu sais aussi, ils vont regarder le classement, là, finir 4 et 5e. Ils vont regarder aussi les sélections qu'il y a eu à l'automne. Donc, c'est un combiné du championnat canadien qui vient d'avoir lieu, puis des sélections. Donc, ils regardent qui finissent 4 et 5 dans ces sélections-là. Puis, des fois, le choix discrétionnaire n'est pas nécessairement discrétionnaire. Peut-être qu'ils vont juste prendre le 4e puis le 5e. Ouais. Ça aussi, oui. Ouais. Parle-moi maintenant de nos athlètes d'ici, que eux autres font vraiment partie de la relève, les Maud Tremblay, les Catherine Mailloux, Léonie Bradette, Rosalie Tremblay, c'est tous ces athlètes-là, en fait. Est-ce que pour eux autres, je sais que j'ai vu sur les médias sociaux la mère de Maud Tremblay, Julie Veilleux, qui semblait contente quand même du résultat de sa fille, parce que pour elle, c'était pour aller prendre l'expérience. C'est ça, Honnêtement, en fin de semaine, on en reparlera tantôt, là, j'étais très, très occupé avec la diffusion web. Oui, ça, on va en parler d'ailleurs, ça va être... Puis, tu sais, je les ai vus patiner, là, assurément, puis je vois leur progression, tout ça, mais je peux pas dire si, tu sais, s'ils sont satisfaits, moins satisfaits, tu sais, parce que, exemple, on parlait de Maude Tremblay, Maude est jeune, tu sais, puis elle finit 27e, 27 sur 32, mais c'est pas ça qui compte, ce qui compte, c'est qu'elle est satisfaite de ses courses, de la façon qu'elle a patiné, de la façon qu'elle réagit à la pression. Puis comme je lui ai pas parlé, je sais pas trop, mais je vais laisser David Savard, à qui tu vas parler cet après-midi. Je vais laisser lui, il connaît beaucoup mieux que moi, là, donc lui, il va pouvoir te dire ce que leur réaction, c'était quoi. Mais moi, ce que je retiens, c'est que les jeunes, c'est une super occasion d'aller chercher de l'expérience avec les meilleurs, mais surtout dans une situation où il y a un enjeu, parce que les sélections, comme ça, c'est les compétitions les plus stressantes. C'est souvent les athlètes vont le dire, la sélection olympique est plus stressante que les Olympiques parce que les Olympiques, t'es rendu. Tandis que la sélection olympique, c'est ce qui fait fi de tout. Si tu as une mauvaise compétition, c'est fini, pas d'Olympique. Puis là, les championnats canadiens, pour elles, il n'y avait pas encore d'enjeu. C'était bien plus pour aller prendre l'expérience. Dans quelques années, il va en avoir d'autres, il va en avoir de l'enjeu. Puis ça va être bien de pouvoir dire, ben j'en ai déjà fait 2, 3, 4 des championnats canadiens avant d'arriver à celui qui compte pour vrai, là. Ben oui. Donc, tu sais, c'est Maude, c'est la plus jeune de la gang. Catherine, ça commence, tu sais, Catherine, dans un an ou deux, il va falloir qu'elle avance à un autre step. Léonie Bradette et Rosalie Tremblay, je les connais beaucoup moins. Je sais que Rosalie a déjà participé au championnat junior. Donc, ouais. À un moment donné, sans être dans l'équipe nationale, à un moment donné, il faut que tu avances un peu. Donc, tout ça, on va en parler d'ailleurs avec plus en détail avec David Tremblay. Maintenant. Allez, ta chaîne YouTube, parle-moi de cette chaîne-là qui a vu le jour en fin de semaine. Donc, ouais. Qu'est-ce que ça va donner ça aux gens qui aiment le patinage de vitesse? Est-ce que ça va donner plus de compétition? Est-ce que ça va donner, est-ce que les gens, je sais qu'il y avait une compétition à Chicoutimi en fin de semaine. Là. Est-ce que ça va être diffusé web sur... C'est quoi que ça va donner? La façon que ça s'est fait, c'est comme un concours de circonstances qui n'avait pas de web diffusion pour le championnat. Puis là, on a essayé de trouver quelque chose. Là, on s'est dit, bon, on va le faire, on va essayer, ça va être un test. Puis j'ai commencé avec une diffusion sur Facebook, en Facebook Live. Puis le réseau à l'aréna était bon, mais inconstant, ce qui fait que les courses, les gens avaient de la difficulté à voir tout ça. Donc, option B, j'ai fait une chaîne YouTube où la diffusion était vraiment, c'était de meilleure qualité. Je suis super satisfait. Il y a des gens qui ont regardé, puis les gens avaient l'air contents. Donc là, c'est exactement là, c'est à voir ce qu'on fait avec ça. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est que souvent nos compétitions provinciales ou nationales, ils ont souvent des web diffusions, mais ça se retrouve quand c'est au provincial, un peu sur un site à gauche, à droite, comme il y a eu la qualification nationale à Saguenay au 9 novembre. Ouais. Puis, la diffusion était directe sur Facebook. Mais là, moi, je pourrais leur offrir le canal de patinage de vitesse Québec. Donc, avec ça, on aurait une même chaîne. Puis oui, on pourrait en avoir plus, mais surtout condensé au même endroit pour que les gens n'aient pas à chercher à gauche, à droite, puis à trouver le site. Ce serait là. Mais là, je dis pas qu'on va l'avoir tout le temps parce que, de un, on est... Ça prend de la logistique, ça prend beaucoup d'organisation, pareil. Tu l'as dit, j'étais préoccupé par la chaîne YouTube. Donc, ça veut dire que tu n'as pas vraiment passé toute la fin de semaine là-dessus, là. Ouais, c'est ça, les gens s'en rendent toujours compte, mais, tu sais, moi, je l'ai, là, on a la caméra, puis on a l'ordinateur, tout est correct, mais ça prend premièrement moi, puis quelqu'un qui filme, mais deuxièmement, on est hyper dépendant du réseau, donc même si j'ai les meilleures intentions du monde, que je dis je vais aller dans toutes les compétitions provinciales et nationales, si l'aréna où on va n'a pas un bon réseau Internet, ben ça finit là. Donc je peux pas dire qu'on va le faire tout le temps, vraiment pas, mais quand c'est possible, puis surtout les championnats en fait. On va essayer des championnats d'avoir une web diffusion, puis c'était de plus en plus le cas en fait. Puis là on va espérer que ce soit plus souvent et sur notre chaîne patin vitesse QC. Parce que ça prend de la bande passante terriblement, j'imagine. Ben, c'est du vidéo, donc du vidéo, c'est pas comme de l'audio. Moi, j'en ai déjà fait à l'époque, j'ai diffusé quelques matchs de hockey en direct du multiconcessionnaire, mais c'était de l'audio. Fait que c'est pas du tout pareil. Là, on parle d'une bande passante qui demande beaucoup. C'est dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit, puis je suis correct avec ça, là, c'est sur Facebook, c'était sur Facebook, puis les gens commentent, c'est bien correct. Il y a quelqu'un qui a dit, on va sur la Lune, mais tu sais, la bande passante. Ben non, effectivement, il y a des choses qui, on est dépendant, tu sais, c'est pas nous qui allons aller installer les bandes passantes, puis les réseaux. Internet dans toutes les arénas de la province. Oui, effectivement. Donc, prochain rendez-vous, c'est pour Marianne, entre autres, c'est quand? Oui, c'est à championnat, non, pas championnat, c'est une Coupe du Monde à, en Allemagne pour toute la gang à Dresden. C'est d'ici un mois, je pense, parce ouais. que les championnats du monde. C'est toujours en mars. C'est mi-mars, c'est ça. Ouais, c'est toujours en mars. Coupe du Monde, le championnat du monde.